Chapitre 12. Tolokotitanian. Me voici arrivé aux pages les plus sombres de mon histoire, aux jours de misère et de honte que Daniel Essett a vécu à côté de cette femme, comédien dans la banlieue de Paris. Chose singulière, ce temps de ma vie, accidenté, bruyant, tourbillonnant, m'a laissé des remords plutôt que des souvenirs. Tout ce coin de ma mémoire est brouillé, je ne vois rien, rien. Mais attendez, je n'ai qu'à fermer les yeux et à fredonner deux ou trois fois ce refrain bizarre et mélancolique. Tolokotitanian, Tolokotitanian. Tout de suite, comme par magie, mes souvenirs assoupis vont se réveiller, les heures mortes sortiront de leur tombeau, et je retrouverai le petit chose, tel qu'il était alors, dans une grande maison neuve du boulevard Montparnasse, entre Irma Borel, qui répétait ses rôles, et Coucou Blanc, qui chantait sans cesse. Tolokotitanian, Tolokotitanian. Pouah, l'horrible maison! Je la vois maintenant, je la vois avec ses mille fenêtres, sa rampe verte et poisseuse, ses plombs béants, ses portes numérotées, ses longs corridors blancs qui sentaient la peinture fraîche, toute neuve et déjà salie. Il y avait 108 chambres là-dedans. Dans chaque chambre, un ménage, et quel ménage! Tout le jour, c'était des scènes, des cris, du fracas, des tueries. La nuit, des piaillements d'enfants, des pieds nus marchant sur le carreau, puis le balancement uniforme et lourd des berceaux. De temps en temps, pour varier, des visites de la police. C'est là, dans cet antre garni à 7 étages, qu'Irma Borel et le petit chose étaient venus abriter leur amour. Triste logis, et bien fait pour un pareil hôte. Ils l'avaient choisi parce que c'était près de leur théâtre, et puis, comme dans toutes les maisons neuves, ils ne payaient pas cher. Pour 40 francs, un prix d'essuyeur de plâtre, ils avaient 2 chambres au second étage, avec un liseré de balcon sur le boulevard, le plus bel appartement de l'hôtel. Ils rentraient tous les soirs vers minuit, à la fin du spectacle. C'était sinistre de revenir par ces grandes avenues désertes où rôdaient des blouses silencieuses, des filles en cheveux et les longues redingotes en pantrouilles grises. Ils marchaient vite au milieu de la chaussée. En arrivant, ils trouvaient un peu de viande froide sur un coin de la table et la négresse Coucou Blanc qui attendait, car Irma Borel avait gardé Coucou Blanc. Monsieur de 8 à 10 avait repris son cocher, ses meubles, sa vaisselle, sa voiture. Irma Borel avait gardé sa négresse, son cacatoès, quelques bijoux et toutes ses robes. Celle-ci, bien entendu, ne lui servait plus qu'à la scène, les traînes de velours et de moire n'étant point faites pour balayer les boulevards extérieurs. À elle seule, les robes occupaient une des 2 chambres. Elles étaient là, pendues tout autour à des porte-manteaux d'acier, et leurs grands plis soyeux, leurs couleurs voyantes, contrastaient étrangement avec le carreau dérougi et le meuble fané. C'est dans cette chambre que couchait la négresse. Elle y avait installé sa paillasse, son fer à cheval, sa bouteille d'eau-de-vie. Seulement, de peur du feu, on ne lui laissait pas de lumière. Aussi, la nuit, quand il rentrait, Coucou Blanc, accroupi sur une paillasse au clair de lune, avait l'air parmi ses robes mystérieuses d'une vieille sorcière préposée par Barbe Bleue à la garde des 7 pendus. L'autre pièce, la plus petite, était pour eux et le cacatoès. Juste la place d'un lit, de 3 chaises, d'une table et du grand perchoir à bâton doré. Si triste et si étroit que fut leur logis, ils n'en sortaient jamais. Le temps que leur laissait le théâtre, ils le passaient chez eux à apprendre leur rôle, et c'était, je vous le jure, un terrible charivari. D'un bout de la maison à l'autre, on entendait leur rugissement dramatique. « Ma fille! Rendez-moi ma fille! Par ici, Gaspard! » son nom misérable !» Par là-dessus, les cris déchirants du cacatoès et la voix aiguë de Coucou Blanc qui chantait sans cesse « Tolokotitanian, Tolokotitanian !» Irma Borel était heureuse, elle. Cette vie lui plaisait. Elle l'amusait de jouer au ménage d'artiste pauvre. « Je ne regrette rien, » disait-elle souvent. Qu'aurait-elle regretté? Le jour où la misère la fatiguerait, le jour où elle serait lasse de boire du vin au litre et de manger ces hideuses portions à sauce brune qu'on leur montait de la gargote, le jour où elle en aurait jusque-là de l'art dramatique, de la banlieue, ce jour-là, elle savait bien qu'elle reprendrait son existence d'autrefois. Tout ce qu'elle avait perdu, elle n'aurait qu'à lever un doigt pour le retrouver. C'est cette pensée d'arrière-garde qui lui donnait du courage et lui faisait dire « Je ne regrette rien ». Elle ne regrettait rien, elle. Mais lui. Ils avaient débuté tous les deux dans « Gaspardo le pêcheur », un des plus beaux morceaux de ferblanterie mélodramatique. Elle fut très acclamée, non certes pour son talent, mauvaise voix, gestes ridicules, mais pour ses bras de neige, pour ses robes de velours. Le public de là-bas n'est pas habitué à ces exhibitions de chair éblouissante et de robes glorieuses à 40 francs le mètre. Dans la salle, on disait « C'est une duchesse !» et les titis émerveillés applaudissaient à tête fendre. Il n'eut pas le même succès. On le trouva trop petit. Et puis il avait peur, il avait honte. Il parlait tout bas comme à confesse. « Plus haut ! Plus haut !» lui criait-on. Mais sa gorge se serrait, étranglant les mots au passage. Il fut sifflé. Que voulez-vous? Irma avait beau dire, la vocation n'y était pas. Après tout, parce qu'on est mauvais poète, ce n'est pas une raison pour être bon comédien. La créole le consolait de son mieux. « Ils n'ont pas compris le caractère de ta tête, » lui disait-elle souvent. Le directeur ne s'y trompa point, lui, sur le caractère de sa tête. Après 2 représentations orageuses, il le fait venir dans son cabinet et lui dit « Mon petit, le drame n'est pas ton affaire. Nous nous sommes fourvoyés. Essayons du vaudeville, je crois que dans les comiques tu marcheras très bien. » Et de le lendemain, on essaya du vaudeville. Il joua les jeunes premiers comiques, les gandins ahuris auxquels on fait boire de la limonade Roger en guise de champagne et qui courent la scène en se tenant le ventre, les niais à perruque rousse qui pleurent comme des veaux, les amoureux de campagne qui roulent des yeux bêtes en disant « Mamselle, je vous aime en bain, hello !»« Ben vrai, je vous aime en tout plein !» Il joua les Jeannots, les Trembleurs, tous ceux qui sont laids, tous ceux qui font rire, et la vérité me force à dire qu'il ne sentira pas trop mal. Le malheureux avait du succès. Il faisait rire. Expliquez cela si vous pouvez. C'est quand il était en scène, grimé, plâtré, chargé de ripaux, que le petit chose pensait à Jacques et aux yeux noirs. C'est au milieu d'une grimace, au coin d'un lazzi bête, que l'image de tous ces chers êtres qu'il avait lâchement trahis se dressait tout à coup devant lui. Presque tous les soirs, les titis de l'endroit pourront vous l'affirmer, il lui arrivait de s'arrêter net au beau milieu d'une tirade et de rester debout sans parler, la bouche ouverte, à regarder la salle. Dans ces moments-là, son âme lui échappait, sautait par-dessus la rampe, crevait le plafond du théâtre d'un coup d'aile et s'en allait bien loin, donner un baiser à Jacques, un baiser à Madame Essette, demander grâce aux yeux noirs en se plaignant amèrement du triste métier qu'on lui faisait faire. « Là, ben vrai, je vous aime en tout plein, » disait tout à coup la voix du souffleur. Et alors le malheureux petit chose, arraché à son rêve, tombait du ciel, promenait autour de lui de grands yeux étonnés où se peignait un effarement si naturel, si comique, que toute la salle partait d'un gros éclat de rire. En argot de théâtre, c'est ce qu'on appelle un effet. Sans le vouloir, il avait trouvé un effet. La troupe dont il faisait partie desservait plusieurs communes. C'était une façon de troupe nomade jouant tantôt à Grenelle, à Montparnasse, à Sèvres, à Sceaux, à Saint-Cloud. Pour aller d'un pays à l'autre, on s'entassait dans l'omnibus du théâtre, un vieil omnibus café au lait traîné par un cheval phtisique. En route, on chantait, on jouait aux cartes. Ceux qui ne savaient pas leur rôle se mettaient dans le fond et repassaient leurs brochures. C'était sa place à lui. Il restait là, taciturne et triste comme sont les grands comiques, l'oreille fermée à toutes les trivialités qui bourdonnaient à ses côtés. Si bas qu'il fût tombé, ce cabotinage roulant était encore au-dessous de lui. Il avait honte de se trouver en pareille compagnie. Les femmes de vieilles prétentions, fanées, fardées, maniérées, sentencieuses, les hommes, des êtres communs, sans idéal, sans orthographe, des fils de coiffeurs ou de marchands de frites qui s'étaient faits comédiens par désœuvrement, par fainéantise, par amour du paillon, du costume, pour se montrer sur les planches en collant de couleurs tendres et redingotes à la Souvarov, les Lovelace de barrière, toujours préoccupés de leur tenue, dépensant leurs appointements en frisure et vous disant d'un air convaincu « Aujourd'hui, j'ai bien travaillé ». Quand ils avaient passé 5 heures à se faire une paire de bottes Louis XV et 2 mètres de papier verni. En vérité, c'était bien la peine de railler le salon à musique de Pierrotte pour venir échouer dans cette guimbarde. À cause de son air maussade et de ses fiertés silencieuses, ses camarades ne l'aimaient pas. On disait « c'est un sournois ». La créole, en revanche, avait su gagner tous les cœurs. Elle trônait dans l'omnibus comme une princesse en bonne fortune, criait à belles dents, renversait la tête en arrière pour montrer sa fine encolure, tutoyait le monde, appelait les hommes « mon vieux », les femmes « ma petite » et forçait les plus hargneux à dire d'elle « c'est une bonne fille ». Une bonne fille ! Hein ! Quelle dérision ! Ainsi roulant, riant, les grosses plaisanteries faisaient feu, on arrivait au lieu de la représentation. Le spectacle fini, on se déshabillait d'un tour de main et vite on remontait en voiture pour rentrer à Paris. Alors il faisait noir. On causait à voix basse en se cherchant dans l'ombre avec les genoux. De temps en temps, un rire étouffé. À l'octroi du faubourg du Maine, l'omnibus s'arrêtait pour remiser. Tout le monde descendait et l'on allait en troupe reconduire Irma Borel jusqu'à la porte du Grand Audi, où Coucou Blanc, aux trois quarts ivre, les attendait avec sa chanson triste. « Tolokoto titanien, tolokoto titanien !» Aller voir ainsi river l'un à l'autre, on aurait pu croire qu'ils s'aimaient. Non, ils ne s'aimaient pas. Ils se connaissaient bien trop pour cela. Ils la savaient menteuse, froide, sans entrailles. Elle le savait faible et mou jusqu'à la lâcheté. Elle se disait... Un beau matin, son frère va venir et me l'enlever pour le rendre à sa porcelainière. Lui se disait, un de ces jours, lassée de la vie qu'elle mène, elle s'envolera avec un monsieur de 8 à 10, et moi, je resterai seule dans ma fange. Cette crainte éternelle qu'ils avaient de se perdre faisait le plus clair de leur amour. Ils ne s'aimaient pas et pourtant étaient jaloux. Chose singulière, n'est-ce pas, que là où il n'y a pas d'amour, il puisse y avoir de la jalousie. Eh bien, c'est ainsi. Quand elle parlait familièrement à quelqu'un du théâtre, il devenait pâle. Quand il recevait une lettre, elle se jetait dessus et la décachetait avec des mains tremblantes. Le plus souvent, c'était une lettre de Jacques. Elle la lisait jusqu'au bout en ricanant, puis la jetait sur un meuble. « Toujours la même chose, » disait-elle avec dédain. « Hélas, oui, toujours la même chose, c'est-à-dire le dévouement, la générosité. » L'abnégation. C'est bien pour cela qu'elle détestait tant le frère. Le brave Jacques ne s'en doutait pas, lui. Il ne se doutait de rien. On lui écrivait que tout allait bien, que la comédie pastorale était aux 3/4 vendue, et qu'à l'échéance des billets, on trouverait chez les libraires tout l'argent qu'il faudrait pour faire face. Confiant et bon, comme toujours, il continuait d'envoyer les 100 francs du mois rue Bonaparte, où Coucou Blanc allait les chercher. Avec les 100 francs de Jacques et les appointements du théâtre, ils avaient bien sûr de quoi vivre, surtout dans ce quartier de pauvres frères. Mais ni l'un ni l'autre, ils ne savaient, comme on dit, ce que c'est que l'argent. Lui, parce qu'il n'en avait jamais eu, elle, parce qu'elle en avait toujours eu trop. Aussi, quel gaspillage ! Dès le 5 du mois, la caisse, une petite pantoufle javanaise en paille de maïs, la caisse était vide. Il y avait d'abord le cacatoès qui, à lui seul, coûtait autant à nourrir qu'une personne de grandeur naturelle. Il y avait ensuite le blanc, le col, la poudre de riz, les opias, les pâtes de lièvre, tout l'attirail de la peinture dramatique. Puis les brochures du théâtre étaient trop vieilles, trop fanées. Madame voulait des brochures neuves. Il lui fallait aussi des fleurs, beaucoup de fleurs. Elle se serait passée de manger plutôt que de voir ses jardinières vides. En 2 mois, la maison fut criblée de dettes. On devait à l'hôtel, au restaurant, au portier du théâtre. De temps en temps, un fournisseur se lassait et venait faire du bruit le matin. Ces jours-là, en désespoir de tout, on courait vite chez l'imprimeur de la comédie pastorale et on lui empruntait quelques louis de la part de Jacques. L'imprimeur, qui avait entre les mains le second volume des fameux mémoires et savait Jacques toujours secrétaire de M. d'Acqueville, ouvrait sa bourse sans méfiance. De louis en louis, on était arrivé à emprunter 400 francs, qui, joint aux 900 francs de la comédie pastorale, portait la dette de Jacques jusqu'à 1 300 francs. Pauvre mère Jacques, que de désastres l'attendaient à son retour. Daniel disparut, les yeux noirs en larmes, pas un volume vendu et 1 300 francs à payer. Comment se tirerait-il de là? La créole ne s'inquiétait guère, elle. Mais lui, le petit chose, cette pensée ne le quittait pas. C'était une obsession, une angoisse perpétuelle. Il avait beau chercher à s'étourdir, travailler comme un forçat, et de quel travail, juste Dieu, apprendre de nouvelles bouffonneries, étudier devant le miroir de nouvelles grimaces, toujours le miroir lui renvoyait l'image de Jacques au lieu de la sienne. Entre les lignes de son rôle, au lieu de Longlumeau, de Josias ou d'autres personnages de vaudeville, il ne voyait que le nom de Jacques. Jacques, Jacques, toujours Jacques. Chaque matin, il regardait le calendrier avec terreur, et comptant les jours qui le séparaient de la première échéance des billets, il se disait en frissonnant « plus qu'un mois, plus que 3 semaines ». Car il savait bien qu'au premier billet protesté, tout serait découvert, et que le martyre de son frère commencerait de ce jour-là. Jusque dans son sommeil, cette idée le poursuivait. Quelquefois, il se réveillait en sursaut, le cœur serré, le visage inondé de larmes, avec le souvenir confus d'un rêve terrible et singulier qu'il venait d'avoir. Ce rêve, toujours le même, revenait presque toutes les nuits. Cela se passait dans une chambre inconnue où il y avait une grande armoire à vieilles ferrures grimpantes. Jacques était là, pâle, horriblement pâle, étendu sur un canapé. Il venait de mourir. Camille Pierrotte était là, elle aussi, et devant l'armoire, elle cherchait à l'ouvrir pour prendre un linceul. Seulement, elle ne pouvait pas y parvenir, et tout en tâtonnant avec la clé autour de la serrure, on l'entendait dire d'une voix navrante « Je ne peux pas ouvrir, j'ai trop pleuré, je n'y vois plus. » Quoiqu'il voulût s'en défendre, ce rêve l'impressionnait au-delà de la raison. Dès qu'il fermait les yeux, il revoyait Jacques étendu sur le canapé et Camille aveugle devant l'armoire. Tous ses remords, toutes ses terreurs le rendaient de jour en jour plus sombre, plus irritable. La créole, de son côté, n'était plus endurante. D'ailleurs, elle sentait vaguement qu'il lui échappait, sans qu'elle sût par où, et cela l'exaspérait. À tout moment, c'était des scènes terribles, des cris, des injures, à se croire dans un bateau de blanchisseuse. Elle lui disait « Va-t'en avec ta Pierrotte, te faire donner des cœurs de sucre !» Et lui, tout de suite, « Retourne à ton Pacheco, te faire fendre la lèvre !» Elle l'appelait « Bourgeois !» Il lui répondait « Coquine !» Puis il fondait en larmes et se pardonnait généreusement pour recommencer le lendemain. C'est ainsi qu'il vivait, non, qu'ils croupissaient ensemble, rivés au même fer, couché dans le même ruisseau. C'est cette existence fangeuse, ce sont ces heures misérables qui défilent aujourd'hui devant mes yeux quand je fredonne le refrain de la négresse, le bizarre et mélancolique. Toloco to titanien, toloco to titanien.